En Ontario, il y a plusieurs artistes que j'ai encouragés tout au long de mon début de carrière. Je pense à Brass Camarade, à Deux Saisons, Chuck Labelle, José Lajoie et bien d'autres. Mais il y en a toujours un qui m'a fasciné et que j'ai suivi depuis son tout début, avec Cormoran à l'époque, mais aussi en solo. Je parle bien sûr de Monette et j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui justement à ce sujet-là. Voici mon entretien avec Monette. En Ontario, il y a un artiste de la nouvelle génération de l'époque, il y a 25 ans, qui m'a toujours plu. Il s'agit de Monette. Serge Monette, bonjour. Salut. Écoute, il y a 25 ans, à l'époque de Cormoran, on se souvient de ça, il y avait un renouveau de la musique franco-ontarienne. Quelles étaient tes inspirations ou aspirations à ce moment-là? Plus ou moins à ce moment-là, Sudbury, plusieurs groupes étaient en essence, mais c'était un peu à cause de l'État de Radio-Canada qui aidait les artistes, puis faisait un concours qui s'appelait La Brunante. Mm-hmm. Il y avait aussi La Ruche des artistes, qui était instigée par La Nuit sur les Temps, mais qui est devenue vraiment une collaboration avec Radio-Canada. La Brunante, puis c'était télévisé, puis il y avait des artistes qui venaient donner des ateliers, puis de la formation. Puis à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, il y avait Cormoran, mais il y avait aussi le groupe de En Bref. Un peu avant ça, à la Ruche des artistes, qui était comme un peu comme une soirée de musique et poésie, etc., à l'Université Laurentienne. Il y avait, je pense, il y avait eu Speedbois. Et il y avait d'autres groupes qui par après, ça a comme donné des éditions là, de concours La Brunante, organisé par Radio-Canada avec La Nuit, où il y avait des artistes qui ont immergé, dont En Bref, qu'on connaît bien, et Cormoran, dont le groupe que je faisais partie. Le concours a donné naissance à plusieurs groupes et a donné un coup de pouce. Donc pour nous, Cormoran, on a pu enregistrer des trois chansons, un démo, qui par après nous a donné plusieurs spectacles un peu partout en province puis un peu au Québec à cause du concours. Éventuellement, moi, c'était pas assez, là, juste un démo, je voulais faire un album. Donc on avait un bel élan. En bref, à un moment donné, à quitter pour Montréal. Nous, moi, à ce moment-là, j'étais à Toronto, puis là, la navette entre Sudbury et Toronto, j'étais commencé à être un peu épuisé par ça, parce que veux pas, moi, j'essayais de booker des spectacles, puis essayer de trouver de l'argent pour faire un album, et éventuellement, j'ai décidé de le faire carrière solo. Je suis allé à Granby deux fois, comme demi-finaliste, et ainsi de suite. J'ai produit mon premier album avec Paul Demers. Marcel Aymard a aidé aussi. Okay. Qui était le producteur du premier, réalisateur du premier disque. Mais ça, c'est tous des gens avec qui j'ai côtoyé à cause de La Brunante, avec la Radio-Canada puis La Nuit sur les Temps, qui nous permettait de jouer sur des scènes professionnelles, avoir de la formation avec des pairs. J'ai fait aussi à ce moment-là, à cause de La Brunante, j'ai eu l'occasion de faire de la tournée avec Pad. Okay. Et mort de merde. Ouais. Ça a vraiment forgé une amitié là, qui a imprégné quelque chose chez moi. Surtout avec Paul de merde. On a fait la tournée aussi avec Réseau Ontario. On avait plusieurs spectacles avec 30 ans de chansons, qui était un spectacle concept avec Paul puis José Lajoie. Ouais. Je regarde ça. Ça fait un parcours quand même assez intéressant. Tu prépares ton quatrième album. Est-ce que le parcours, c'est un peu ce que tu t'attendais, ou il y a eu des remises en question et des moments de persévérance qu'il fallait que tu travailles fort? Ben, je pense que n'importe quel artiste va dire qu'il faut toujours travailler fort. Mm-hmm. Je veux pas. C'est jamais donné en Ontario français. On n'est jamais les premiers de classe. On est toujours les deuxièmes de classe. Ça, c'est ma perception de 25 ans de carrière et d'avoir côtoyé aussi des artistes comme Robert Paquette, puis qui était au top dans les années 80, 90, il était pas mal quand même assez bien. Paul Demers qui avait écrit l'hymne des Franco-Ontariens, mais qui, quand il a sorti son album, c'était tout approuvé encore, même si c'était l'auteur de notre hymne, de notre chanson, Notre Place. Ouais. Qui est vraiment, qui est joué partout dans les écoles, joué dans tous les organismes, dans les fêtes, et qui est une grosse chanson, mais je veux pas quand même une carrière où que faut que tu te justifies, puis faut jamais prendre pour acquis nos accomplissements. Et... En quelques mots, comment tu vois l'avenir de la musique franco-ontarienne? Est-ce qu'en ce moment, on est sur une bonne phase? Il y a un creux qui s'annonce au niveau de la production? Est-ce que comment ça va? Comment est l'avenir de la musique franco-ontarienne? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de variété. Il y a beaucoup d'artistes. Marie-Claude, dont, d'ailleurs, qui connaît quand même... un certain succès, je dirais, bien valorisé. Céleste essaie du mieux qu'elle peut dans le contexte dans lequel on vit. Et j'en passe, là, les Rod Swamp, je veux dire, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils font bien. Donc, je dirais pas qu'il y a un creux. T'as des rappers aussi, la musique du monde. J'étais un peu à l'écart de ces choses-là, dans le sens où je me suis comme pris un certain recul au niveau de la dite industrie, parce que je pense pas qu'il y a vraiment une industrie comme telle. Je pense qu'il y a des efforts qui veulent une industrie. Donc, je pense qu'il y a des gens qui produisent de la musique de qualité et qui essaient très fort de se faire valoriser et d'être des premiers de classe. Mais je pense qu'il y a encore des lacunes. Puis je dirais qu'une des lacunes, parce que ça fait plusieurs années que j'enseigne des élèves du secondaire, c'est qu'une fois qu'ils finissent le secondaire, puis ils ont fait tous les cafés chantants, puis toutes les cafés ça nous chante, puis là, ils ont commencé à faire des ronds-points, puis des concours à Granby, puis Saint-Ambroise, puis la Petite-Vallée, puis blablabla, ou ma première place des arts. Et ce qui est vraiment qui nous démarque de l'Ontario et le Québec, c'est que le Québec, ils ont des institutions. Ils ont des structures qui permettent aux artistes de s'améliorer, qui viennent du Québec et qui ont comme un moteur culturel qui les appuie, qui les aide à les former, tant au niveau contenu musical, mais aussi une structure. Il y a des structures au niveau des avocats, au niveau de comment gérer ta carrière et tout ça, comment gérer ton burn-out et tout ça. Malheureusement, en Ontario, on n'a pas ces structures-là. Voilà. Ben, merci bien, Serge Monnette. Moi, ça m'a fait plaisir tout au long de ta carrière de t'encourager parce que je trouve que c'est un produit exceptionnel, peut-être différent de la marge, mais un produit qui nous interpelle, qui nous accroche et qui vient nous séduire à chaque coup. Merci bien d'avoir participé à cet entretien et puis je te souhaite bonne chance ou un gros merde avec le quatrième album. Merci beaucoup. Merci à les écouteurs aussi et tous ceux qui s'intéressent aux produits pan-canadiens. Mon vieux char, lumière de grande ville, meurt avec les mille. J'fonce dans la nuit sur ce vieux highway qui me ramène vers toi. Sur le tableau de bord, y'a un vieux cadran qui m'illumine. Le temps se fait tard. Par le nord, il est minuit moins quart. Je rêve dans mon char. J'ai les idées si fragiles. Il est minuit moins quart. Je monte dans le nord. Y a plein d'images qui défilent. Thank you. cendrier, il y a une vieille odeur de mine, parfum de poussière qui pend dans l'air. Et je rêve de revoir ton sourire doux, entendre ta voix lointaine, ma source souterraine. Je te lâche un dernier cri, un cri du fond open pit. Abandonné, il est minuit moins quart, je rêve dans mon char, j'ai les idées si fragiles. Il est minuit moins quart, je monte dans l'art, il y a plein d'images. Eh bien, le dernier artiste que j'ai à vous proposer, et non le moindre, c'est Danny Boudreau. Nous partageons un même anniversaire. Danny Boudreau a sorti son premier album, Sans détour, en janvier 1994. Et moi, en octobre, je commençais mon périple avec Canrock. Donc, voici un entretien que j'ai eu avec lui le mois dernier. Danny Boudreau, c'est un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes acadiens. Mon prochain invité, on partage un même anniversaire. Il y a 25 ans, il lançait son premier album solo, Sans détour. Danny Boudreau, bonjour. Salut, Marc, ça va? Oui, écoute, album Sans détour, 25 ans. À l'époque, les structures de la musique acadienne, est-ce qu'elle était bien structurée, bien placée? Ou tu as lancé un album dans un monde qui tout était à faire? Ben, écoute, je te dirais que l'année où j'ai lancé mon album, en 1994, il y a eu comme une effervescence tout d'un coup de... Moi, en fait, je faisais partie de 4 projets qui avaient été sélectionnés pour... je pense que ça s'appelait Entente Coopération à Québec-Nouveau-Brunswick, ou je sais plus trop, là. Et puis, il y avait eu des fonds injectés dans l'industrie de studios. Donc, à ce moment-là, moi, je faisais affaire avec le studio Mad West, qui est un studio implanté dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, à Edmundston. Et puis, c'est eux qui ont, si on veut, qui ont pris en charge la réalisation et la production de mon premier album. Et à ce moment-là, il y avait moi, il y avait également Mike Baldwin, qui est un autre Acadien, qui avait fait un album. Il y avait Janine Boudreau, si je me trompe pas, et puis Nathalie Renaud, qui avait dû reporter son projet, mais c'est ça, on était 4 albums. Et après, il y a eu le congrès mondial cette année-là. Donc ça a explosé. Et là, les albums ont commencé à sortir. Et je te dirais que 95, ensuite 96, 97, là, il y a eu plus de production d'albums en Acadie qu'il y avait eu pendant les 20 ans précédant ça, là. Donc ça a créé un buzz d'une nouvelle génération, là. Tout à fait, oui. Ouais. Et je pense que le travail le plus difficile est de résister ou de rester présent dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, tu as quoi, 9-10 albums, mais sûrement ce parcours-là n'a pas été facile, ou est-ce que le parcours a été à l'image de ce que tu t'attendais? Ben, c'est jamais ce qu'on s'entend. Je pense qu'à ce qu'on s'attend plutôt à ce métier-là. C'est un métier très changeant. Je veux dire, aujourd'hui, comparé à ce qu'il était il y a 25 ans, c'est deux mondes totalement différents. Je pense que ce qui a fait que je suis encore là, c'est que je me suis pas arrêté non plus aux tendances. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. Et puis, j'ai pas voulu non plus suivre des tendances ou des modes. J'ai toujours fait des albums quand même assez différents l'un de l'autre, mais c'est là où j'étais dans ma vie à ce moment-là. Tu sais, si j'ai des albums qui sont plus folk, mais c'est parce que ça m'entourait, ou c'est plus country ou plus pop, dépendamment de l'époque où je l'ai fait aussi, les gens avec qui j'ai travaillé. Donc, tout ça a fait que j'ai offert aussi tout au long de ma carrière différentes formules. Donc, ça fait en sorte que ça m'a permis de travailler beaucoup. Évidemment, j'ai mon travail de choriste, j'ai donné beaucoup d'ateliers dans ma vie, j'ai fait de la direction artistique. Donc, c'est sûr que je fais beaucoup de choses rattachées à la musique aussi, ce qui me permet de travailler tout le temps. Pour avoir parlé à des gens qui ont travaillé avec toi, qui travaillent avec toi en ce moment, puis de t'avoir croisé souvent, t'es resté quand même un être très humble, très sympathique, pas prétentieux du tout. Le fait de travailler avec les jeunes des gars du Nord, qui m'ont souvent dit que le plus drôle, ben, c'est Danny Boudreau dans la bande. On a du fun. Ouais. C'est sûr que nous, les gars du Nord, ça, c'est un autre collectif avec lequel j'ai beaucoup de plaisir. Depuis 5 ans, on fait des belles tournées, on s'amuse beaucoup. D'ailleurs, on avait un show il y a 2 jours, un show estival à Saint-Jean-Port-Joli. On était bien contents de se retrouver. Parce que nous, on passe tout le mois de décembre ensemble, ou presque. Mm-hmm. On commence la 3e de novembre et puis on termine à l'entour du 23 de décembre à chaque année. Donc, on a un beau mois de travail ensemble à tourner, puis à s'amuser, puis à aller donner des spectacles un peu partout. Et ça va être pareil cette année-là. Mm-hmm. Il y a le duo aussi Beau Séjour avec la franco-manitobaine Justine mm-hmm. Baribeau, dont on entend un premier extrait à la radio. Ça, c'est une autre dimension, une autre aventure, là. C'est une belle aventure, ça. Justement, je suis arrivé de Saint-Jean-Port-Joli hier et les albums sont rentrés. On est bien fébrile, on est excité. Le lancement aura lieu au mois d'octobre. Donc, c'est sûr que là, on a un automne juste avant les gars du Nord. Moi, c'est Beau Séjour qui va primer. Là, on va être partout. On a une belle tournée dans l'Ouest qui s'en vient. On a des lancements en Acadie aussi. Donc, je te dirais, là, cet automne, on va faire 20 de prestations là, un peu partout là, au pays, là. Et comment tu entrevois l'avenir de la musique acadienne? Est-ce qu'il y a un creux qui s'annonce ou non? Ça continue à progresser? Puis... Ah non, pas de creux du tout. Si on regarde la relève, je veux dire, il y a quand même une très, très forte relève en Acadie. Et ça, de tous les sphères. Là. Les jeunes qui poussent, là, il y a les Pierre Guitard, que moi j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai souvent mentionné, moi, que la nouvelle chanson acadienne est issue beaucoup, selon moi, et on lui rend pas assez souvent les crédits. C'est Pascal Lejeune, pour moi, le père de la nouvelle chanson acadienne. Mm-hmm. J'ai l'impression que quand Pascal est arrivé dans les années 2000, il a créé un mouvement, il a fait des petits. Et puis tout ça, ben, ça fait que c'est aujourd'hui, on a justement les Leblanc, les Hey Babies, les Pierre Guitard, les Cédric Viano. Donc pour moi, je pense que la part de Pascal Lejeune est immense par rapport à ce qu'est la nouvelle génération de musique en Acadie, évidemment. Et je parle des Hôtels d'Hilaire aussi, qui ont travaillé beaucoup avec Pascal Lejeune. Donc c'est sûr qu'on peut pas mettre de côté son apport à la musique. Et il y a bien sûr tout ce phénomène de radio communautaire et d'émissions qui fait diffuser la musique. Ça aussi, ça a été très important pour la musique acadienne. Ben, tout à fait, c'est grâce à des gens comme vous aussi, comme toi, Marc, qui a pris le temps aussi d'écouter tous ces albums-là et de critiquer ces albums-là avec un œil de l'extérieur. Et puis, évidemment, ben, de nous jouer au-delà de l'Acadie. Ça, c'est sûr que ça nous fait rayonner à l'extérieur et la radio communautaire, je pense que c'est un outil essentiel et il l'a toujours été depuis 25 ans. Là. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est vraiment important pour nous. Joue avec avec la mort. Il y en a qui jouent avec l'amour. Pour certains c'est la même chose. On perd le contrôle. Il y en a qui roulent avec le feu. Celui qui brûle même s'il pleut. Il y en a qui roulent avec l'argent. Celui qui est taché de sang. La vie n'allume plus l'amour. La nuit n'éteint plus le jour. Sur l'autoroute, sans détour. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur de l'autoroute, sans retour. Y'en a qui filent à toute allure, pensant rattraper le futur. Y'a pas de gêne, pas de barrière, on ne voit que les feux arrière. Y'en a qui jouent avec la mort, y'en a qui jouent avec le sort. Pour certains y'a pas de frontières, pour d'autres n'y a que la guerre. La vie n'allume plus l'amour, la nuit n'éteint plus le jour. Sur l'autoroute, sans détour. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur de l'autoroute, sans retour. Passer la mort, y'en a qui voient passer l'amour, mais c'est toujours la même chose, on n'a jamais le contrôle. Y'en a qui roulent avec le feu, y'en a qui roulent avec l'argent. Il n'y a qu'une loi, et c'est chacun pour soi. La vie n'allume plus l'amour, la nuit n'éteint plus le jour, sur l'autoroute. Sans détour. Mais c'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur de l'autoroute. Sans retour. La vie n'allume plus l'amour. La nuit n'éteint plus le jour. Sur l'autoroute. Sans détour. C'est au fond de l'intérieur qu'on se retrouve à l'extérieur de l'autoroute. Sans retour. Eh bien, voilà, Danny Boudreau et l'autoroute sans détour. Et comme il l'a dit, si le nom vous dit quoi, eh oui, il est choriste depuis plusieurs années pour l'émission « Pour l'amour du country » qu'on peut regarder à RTV, entre autres. Eh bien, voilà, 25 ans d'évolution, 25 ans d'amour avec la francophonie musicale canadienne. Comme je l'ai dit souvent, allez encourager vos artistes locaux. C'est important, vous risquez d'être séduits. Moi, j'ai été séduit pendant 25 ans et je continuerai à faire tourner ces artistes-là parce que c'est important. Cette émission-là a été rendue possible avec l'aide de Sylvia Bernard, directrice générale de La Clé. Il y a également Carl Monette, qui est chef d'équipe ici à CFRH, et Alexandre Bergeron, journaliste animateur de la station. Un gros merci aux radios communautaires et universitaires qui m'ont encouragé, qui ont fait tourner l'émission Canrock sur leur station depuis 25 ans. Merci aux artistes, bien sûr, aux artistes francophones de la francophonie musicale canadienne. Et puis, bien sûr, j'aimerais j'aimerais remercier, bon, il y a André Sange aussi de Ciboulette et compagnie qu'il faut remercier, mais ou également remercier, bien sûr, Jane et Shalena, mon épouse et ma fille, qui m'ont souvent partagé comme ça à la perte avec les artistes de la francophonie canadienne. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On va terminer avec... j'ai le plaisir de vous dire qu'on va terminer avec un bon ami à moi, Robert Paquette, qui a tout le temps été généreux envers moi. Et puis, il va nous offrir une dernière chanson. Donc, Robert Paquette, vas-y, mon cher. Merci d'être présent aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Attention à vous. Bye-bye. Merci beaucoup, Marc. Joyeux anniversaire encore. Sommes arrivés bâtir pays. L'espoir au cœur, les poches vidées. Mais parlions langue de sans dessous, langue des conquis, langue déchirée, ouais. Sous arrivés par ces pays, mais qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Sous arrivés par ces pays, mais qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Monter maison, de bouche à oreille, de génération en génération. Les enfants devant le feu de foyer, le cri de la mire, c'est ça la liberté. Sous arrivés par ces pays, mais qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Hey! Sous arrivés par ces pays. Mes rivières, lacs et ruisseaux, dans l'est, dans le sud et dans le grand nord, pouvoir se dire enfin chez nous, et sous arrivés par ces pays, mais qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Oh, sous arrivés par ces pays, mais qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui? Sommes arrivés par ces pays. Hey, merci.